Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Anne Berest, écrivaine. Anne, bonjour. Quel âge avez-vous ce matin ? Je dirais un âge qui m'autorise enfin à faire des choses que je n'osais pas ou que je ne m'autorisais pas il y a 10 ans. La dernière fois que vous avez menti sur votre âge ? Alors moi, je ne mens pas sur mon âge. Je trouve que les hommes qui sont épatés ou séduits par une date de naissance sont des hommes que j'ai pas forcément envie de rencontrer. Vieillir éloigne les femmes de la fréquentation des imbéciles. Quel est l'âge qui vous inspire le plus d'indulgence ? L'âge des erreurs de jeunesse, parce qu'elles sont nécessaires pour grandir. Merci Anne. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous a présenté le questionnaire de Chanel. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il était grand, imposant même, comme le fauve, auquel on l'a souvent comparé. Il parlait surtout de lui-même avec un soupçon de complaisance. C'est ainsi, en tous les cas, que ses contemporains ont décrit le baron Haussmann, l'inventeur de Paris au XIXe siècle, mort en 1891 à l'âge de 82 ans. Mais qui était Haussmann avant de devenir préfet de la Seine ? Nous en avons appris davantage à ce sujet lundi dernier, au cours de notre émission biographique. C'était avec Georges Valence. Et puis mardi, nous sommes entrés davantage encore dans la période des travaux parisiens du baron, c'était avec Nicolas Chaudin. Il nous a expliqué notamment pourquoi Haussmann était peut-être un exécuteur à poigne davantage qu'un urbaniste visionnaire. Enfin, demain, nous regarderons son œuvre depuis l'époque contemporaine avec l'architecte Umberto Napolitano qui nous dira pourquoi le Paris inventé au Second Empire est celui qui est peut-être plus durable qu'on ne le croit. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer deux architectes du Second Empire et leur rapport avec Haussmann, nous sommes en votre compagnie, Jean-Michel Legnaud, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes historien de l'architecture et du patrimoine, vous avez écrit sur la Sainte-Chapelle, vous publiez d'ailleurs ces jours-ci, le 6 février, exactement un livre sur les restaurations successives de la Basilique Saint-Denis aux éditions du patrimoine, édition où vous aviez publié aussi en 2003 un livre important sur Charles Garnier, l'architecte donc de l'Opéra de Paris. Et puis, en novembre dernier, chez AAM Éditions, cette fois, vous avez publié avec Philippe Pumain et Christian Laporte, mais également Maurice Culot et Luc Beugly, l'ouvrage intitulé « Le Châtelet, un théâtre pour Paris ». C'était à l'occasion de la réouverture de ce théâtre en septembre 2019. Alors, ce théâtre du Châtelet, c'est l'œuvre de l'architecte Gabriel Daviou, mais c'est bien Haussmann qui avait ordonné son édification. C'est aussi l'œuvre d'Haussmann, d'une certaine façon. C'est une des clés de la politique d'urbanisme d'Haussmann, puisque Haussmann a l'intention de percer des boulevards du côté du nord de Paris. Ça va être le boulevard du Prince Eugène. Et pour cela, il lui faut détruire une douzaine de théâtres qui sont plantés le long du boulevard. On appelle d'ailleurs ce lieu le boulevard du crime, puisque tous les soirs, il y avait un crime dans l'un ou l'autre de ce théâtre. Donc les théâtres étant détruits, il ne convenait pas que la population parisienne restât sans théâtre. Il fallait donc en construire au plus vite. Et il a eu l'idée d'en construire deux d'un coup sur la place du Châtelet. Ces deux théâtres se font face, on les connaît bien, c'est le théâtre du Châtelet d'un côté et puis le théâtre de la ville de l'autre. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas exactement les mêmes. Ils ne sont pas exactement les mêmes. Et là où il y avait un cafouillis très pittoresque qui était le résultat des destructions de l'ancienne forteresse du Châtelet et des lieux marchands où arrivait une grande partie de l'approvisionnement des Halles, ce lieu qui avait été sinistre à un moment, on avait encore en tête le souvenir des massacres de septembre. C'est là que Gérard de Nerval s'est pendu au cours d'une nuit. Haussmann a décidé de régulariser tout cela et d'en faire le point d'arrivée du boulevard Sébastopol et d'établir deux grandes masses à peu près symétriques long des quais. Est-ce qu'on peut dire que ces deux bâtiments constituent deux monuments pour Haussmann et pour la ville de Paris ? Dans l'esprit d'Haussmann, ce sont bien deux monuments. D'ailleurs, l'urbanisme d'Haussmann, c'est un urbanisme monumental, d'avenue bien sûr, et monumental. En fait, je pense que Haussmann a dans la tête la pensée urbanistique de Napoléon Ier, qui est de construire de très très longues artères avec des arcades, des places et des monuments relativement bas, parce que la monumentalité dans l'esprit d'Haussmann, et d'ailleurs de Napoléon Ier avant lui, va de pair avec l'horizontalité. Ces bâtiments ne sont pas très hauts. Pour aussi laisser émerger quelques monuments plus hauts, au-dessus de la masse des toits de Paris ? À peine, tout juste, y a-t-il Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, le sort de Notre-Dame de Paris est lié aux deux théâtres. En quoi ? Eh bien, le constructeur, le véritable concepteur de la flèche de Notre-Dame, est un entrepreneur de charpente génial qui s'appelle Auguste Bellu, et c'est lui qui a eu l'entreprise générale de la construction des deux théâtres en même temps. Mmh. Et il a achevé, à la même date, pratiquement, la flèche de Notre-Dame et les deux théâtres. C'était une œuvre absolument gigantesque. Alors, Haussmann a donc commandé à Daviou ces deux théâtres. Il a été un maître d'ouvrage, et vous le racontez très bien dans votre livre, Jean-Michel Legnaud, particulièrement directif. Il est directif et extrêmement imaginatif. Bon, il est directif d'abord parce qu'il a constitué une équipe d'architectes absolument prodigieuse. Ce sont les meilleurs architectes du moment. Et il arrive à réaliser cette entreprise très difficile, c'est-à-dire de faire travailler tout le monde ensemble, alors que ce sont tous des premiers de classe qui veulent travailler séparément. Alors comment fait-il ? Eh bien, il a chacun à son quartier, chacun à sa spécialité, et c'est lui qui détient la clé de l'organisation générale. Et c'est un urbaniste. Il travaille avec un réaménagement complet de Paris. Malheureusement, il doit tenir compte de quelques antécédents, et ça concerne la place du Châtelet. Son prédécesseur, le préfet Berger, a laissé passer une erreur dans le tracé du boulevard Sébastopol, lequel n'arrive pas de façon orthogonale à la place du Châtelet. Ça, pour Haussmann, ça a été le drame des drames. Il a fallu qu'il repense entièrement la place. Donc il a reconstruit cette nouvelle place, travaillé sur la tour Saint-Jacques qui est juste derrière, fait aplanir le sol de la tour Saint-Jacques, imaginer ces deux masses à peu près symétriques que sont les deux théâtres, reconstruit le pont pour qu'il soit dans l'axe, et aussi demander à Bellu de déplacer la fontaine et la colonne de la fontaine. Ça s'est fait, c'est une opération extrêmement spectaculaire qui a permis le réaménagement complet de la place. Donc avec ce carrefour, cette place du Châtelet, qui est presque le centre de la France, si on considère que Paris, que de cet endroit-là de Paris partent tous les réseaux finalement pour la France entière, c'est donc une place monumentale. On y sent la volonté de puissance aussi d'un État fort, ou peut-être même du baron lui-même, jusque dans la forme, la configuration de cette place et de ses bâtiments autour. Oui, absolument. Et d'ailleurs, cette place, elle a quelque chose d'historique au niveau pratiquement millénaire. Puisque le Châtelet, c'est en fait la fortification de bois, d'abord à l'époque carolingienne, et de pierre ensuite à l'époque de Philippe Auguste, par laquelle on entre dans la ville et on paie la taxe. Mmh. C'est le lieu d'entrée, c'est le lieu de pouvoir même. Et puis pas loin, il y a l'hôtel de ville, d'un côté, et de l'autre, on a le Louvre. Et l'objectif d'Haussmann, à un moment, il a abandonné heureusement cette idée, c'était de réaliser une gigantesque artère, très courte mais très large, qui aurait permis de relier les deux bâtiments. D'un côté, les Tuileries, où se trouvait l'empereur, et d'autre côté, l'hôtel de ville, où lui se serait trouvé. Alors, c'était l'avenue Victoria. Qui existe en partie. Mais sur le long du trajet, il y avait l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et on lui a fait observer que c'était pas une bonne idée de détruire cette église qui était l'église de la paroisse qui était la paroisse des Tuileries. Alors, ce qui montre quand même que cet homme est extrêmement souple, Il a renoncé à cette idée et il en a eu une autre absolument extraordinaire aussi, c'est-à-dire de relier les deux masses qu'était la mairie de l'actuel premier arrondissement et celle de Saint-Germain-l'Auxerrois, en demandant à un autre architecte de construire cette tour qui réunit les deux et dans lequel se trouve le carillon destiné à rappeler la Saint-Barthélemy dans l'esprit d'Haussmann. Mais d'où vient cette obsession de la mise en relation des monuments ? Haussmann conçoit la ville comme une organisation symétrique. C'est la symétrie. Et je pense qu'il est l'héritier de l'urbanisme néoclassique que Percier et Fontaine avaient imaginé pour Paris à l'époque impériale. C'est Napoléon III est l'héritier de Napoléon Ier en ce domaine. Napoléon Ier n'a pas pu faire grand-chose à Paris. Finalement, la véritable réalisation du rêve napoléonien, c'est Saint-Pétersbourg. Mais Haussmann reprend le relais. De votre devise, de notre devise si vous voulez, vous usez beaucoup du mot « égalité » pour l'appliquer à nos maisons. Prenez donc plutôt celui de « liberté » et laissez les gens bâtir à leur guise. N'imposez plus aux architectes de maximum de hauteur et de saillie et laissez à chacun le droit d'élever son bâtiment à sa convenance et de planter quelques moucharabiers sur le coin de ses balcons. Au lieu d'encourager la fabrication de monotones cages à locataires, encouragez, au contraire, les campaniles, les pignons sur rue, les marbres, les émaux et les mosaïques. Vous voulez, semble-t-il, décréter un art laïque et républicain. Rien de mieux. Eh bien, l'art sera laïque s'il sert à construire des maisons, et républicain si vous lui donnez autant de variété qu'on en trouve maintenant dans les opinions des politiques. Alors Jean-Michel Legnaud, c'est le moment d'introduire un nouveau personnage que vous connaissez bien et qui est donc Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris. Il s'agissait à l'instant d'une lettre ouverte de Charles Garnier au préfet de la Seine, Hérold, en 1878, donc c'est postérieur à Haussmann, mais on retrouve la même opposition finalement entre un Charles Garnier qui se veut un artiste de l'architecture, et puis des préfets de la Seine qui, comme Haussmann, et dans le sillage de celui-ci, veulent au contraire tout rationaliser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations entre Haussmann et Garnier ? Alors d'abord, je pense que Garnier ne se serait jamais permis d'écrire une pareille lettre du temps d'Haussmann, car Garnier était un fervent partisan du régime impérial. Et il était assez défavorable à la République. D'un autre côté, Haussmann estime Garnier, mais ne l'aime pas beaucoup, en effet. Enfin, il fait observer dans ses mémoires que, bien sûr, il a fait travailler Garnier, mais il est assez froid à l'égard de Garnier. Et de fait, Garnier, qui va prôner le concept d'architecte-artiste, d'architecte individualiste, Garnier... Romantique même. Oui, romantique, c'est le romantisme de la couleur en particulier, de la couleur locale même, c'est-à-dire du pittoresque. Garnier rentre assez mal dans le dessin haussmannien qui consiste à faire en sorte que la ville soit le résultat d'un travail d'équipe défini par un urbaniste. Alors, au contraire de Garnier, Haussmann va vouloir des hauteurs, il va définir des élévations de façade, il va empêcher des balcons trop ventrus, toute chose que aurait aimé faire Charles Garnier. Et le grand lieu du conflit, ça va être l'avenue de l'Opéra. Alors pourtant, on pourrait penser que pour Garnier, c'est assez prestigieux que Haussmann lui fasse cette avenue qui va du Louvre jusqu'à l'Opéra pour mettre quand même très en valeur son bâtiment. Oui, mais alors cette avenue de l'Opéra n'a pas été dessinée du tout par Garnier. Elle a même été dessinée avant. Elle a été dessinée par l'architecte Rouault de Fleury qui, en fait, aurait dû construire l'Opéra dans la pensée d'Haussmann. Ça n'aurait pas été du tout la même chose. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Haussmann avait nommé une commission pour définir l'organisation générale de la place autour de l'opéra. Et puis patatras, un certain nombre de raisons ont conduit à écarter l'architecte d'Haussmann, à organiser un concours, d'où est sorti Charles Garnier. Ouais. Donc Haussmann a été un petit peu mis de côté et on ne peut pas lui attribuer la paternité de l'opéra. Non, d'ailleurs Haussmann va être assez fâché de considérer que l'organisation de l'opéra n'est pas dans la symétrie de ce qu'il aurait voulu et pour la place et pour l'avenue de l'opéra. Il est certain qu'Haussmann a été écarté des délibérations concernant la construction du Châtelet. Et pourquoi ? Est-ce que c'était la fin de son règne déjà ? Non, parce que en fait, Haussmann régnait sur tout le reste de Paris, mais Haussmann était en conflit avec Perrer, qui avait été le ministre des Beaux-Arts, le ministre d'État chargé des Beaux-Arts. Il a évité que Perrer intervienne dans la construction des deux théâtres du Châtelet et du théâtre de la Ville. Cette construction s'est faite complètement en dehors des procédures de l'État. Et pour moi, on a écarté Haussmann précisément un peu pour se venger. On a écarté Haussmann de l'opéra pour se venger d'avoir été mis à l'écart de la place du Châtelet. Alors évoquons un petit peu donc ces deux architectes qui vont nous intéresser en particulier aujourd'hui, Daviau et Garnier. Il faut dire que ils ont quand même des formations qui sont assez semblables, des parcours qui vont se ressembler au moins durant leur jeunesse. Jean-Michel Legnaud. Ils ont des formations à peu près semblables, sauf que Charles Garnier est véritablement un surdoué. Il obtient le Grand Prix de Rome très très vite. Gabriel Daviau est un peu plus lent. Et au moment fatidique, ne passe pas le prix de Rome parce qu'il n'a pas les moyens financiers de continuer des études sans travailler. Ce qui va être la chance de Daviau d'ailleurs, puisqu'il va être repéré comme un architecte spécialiste de la construction des théâtres. Et il va être absorbé par l'équipe haussmannienne comme aménageur de décors urbains et de théâtres. Vous pensez qu'il a moins de génie que Garnier ? Il a un génie tout à fait propre et tout à fait équivalent à celui de Garnier. Mais bon, il n'est pas allé aussi vite que Charles Garnier, qui était véritablement... c'est une personnalité extraordinaire, Garnier. Daviau est plus conforme à ce qu'on connaît des architectes de l'époque. Alors, personnalité extraordinaire, mais aussi grand dépressif. Oui, ça, je pense que l'activisme de Charles Garnier... va de pair avec son caractère dépressif. Il soigne sa dépression en n'arrêtant pas de travailler, en multipliant les dessins. Daviau est très actif aussi. La quantité de dessins que Daviau a pu faire pour les différents lieux de Paris dont ils sont occupés, c'est absolument gigantesque. Donc Garnier est Grand Prix de Rome, ce qui signifie qu'il va partir pendant 5 ans en Italie et en Grèce pour faire des dessins, et ça va être totalement déterminant par la suite dans son architecture et notamment pour l'opéra. Alors il va s'intéresser à une Italie qui n'intéresse pas à l'époque vraiment les pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Il va s'intéresser à l'Italie méridionale, à une Italie gothique, celle des Angevins de Naples, qui produisent une architecture très très colorée. Et puis il va faire un long voyage. Il va être pensionnaire à Athènes. Et il va faire un voyage à Constantinople, dont il va revenir ébloui. Mais alors, cet opéra de Paris est inspiré très largement par l'Italie, mais une Italie qui n'existe nulle part et à aucune époque, un espèce de mélange de toutes les époques architecturales de l'Italie, aussi du classicisme français. Qu'est-ce qu'on y retrouve finalement comme inspiration ? Ben d'abord, on y retrouve le prototype de toute construction d'opéra depuis un bon moment, et en particulier à Paris, c'est-à-dire la basilique de Vicence que Palladio avait dessinée. Et cette basilique de Vicence, c'est-à-dire ces deux niveaux avec des arcades, avait été le modèle qu'avait choisi le prédécesseur de Charles Garnier pour l'autre opéra qui existait, rue Le Pelletier, qui était François Debré. Et il y a dans la façade principale de l'opéra un souvenir de cette basilique de Vicence également. Bon, il y a le côté palladien. Ce qui me frappe aussi, ça concerne essentiellement les décors, c'est le caractère maniériste, c'est-à-dire post-Michel-Ange. Dans les décors du foyer, une grande partie des sculptures sont très clairement michel-angélesques. Et de manière générale, l'inspiration de Charles Garnier va être marquée par un néo-renaissance teinté de baroque. On peut même penser que Charles Garnier est l'un des inventeurs du néo-baroque. Et ceci va tout à fait en contradiction avec l'ambiance générale du moment en architecture. Ça va être un point de conflit majeur avec un troisième personnage qui est dans l'ombre et dont il faut parler, qui est Viollet-le-Duc. Alors on va en parler. Évidemment, pendant que Garnier donc est en Italie et en Grèce, Daviou continue donc sa carrière à Paris. Il va se spécialiser aussi dans les bois et notamment travailler sur le bois de Boulogne. J'ai quelque peine aujourd'hui à me remettre devant les yeux ce qu'était alors ce bois. On y arrivait par la grande route postale, en tout temps boueuse ou poudreuse. Il était clos de murs, coupés à angle droit d'allées monotones, qui se croisaient dans des taillis d'arbres rabougris, dans d'arides clairières. On n'y avait ouvert aucune perspective. Il n'offrait d'autres points de ralliement que la mare d'Auteuil, ou coassés dans une eau stagnante sous l'immobile tapis d'une végétation visqueuse, d'innombrables et insupportables grenouilles. Aujourd'hui, comme par le sifflet du machiniste, tout est changé. Le bois s'est rapproché, s'est ouvert de toutes parts en d'agréables accès. Il a jeté bas ses murailles grises, il a doré ses grilles et logé ses gardiens en de plaisants pavillons. Dans les allées élargies, bien sablées, bien arrosées, autour de grands lacs, se croisent aux heures de la fashion 4 ou 5 rangs d'équipages. Phaéton, Victoria, calèche, panier, 8 ressorts. Les dames du high life, comme on les appelle, et les demoiselles galantes avec qui il leur plaît de se confondre, descendent là par caprice et balaient le sol de leurs froufrous traînants. Le bois de Boulogne offre aux moralistes concentrés sur un point très apparent l'image du changement complet. Ailleurs moins sensible, des goûts, des bienséances, des mœurs de la société française sous le régime impérial. Sur le bois de Boulogne par la comtesse Daviou. Daviou va donc faire sa spécialité, des parcs, des jardins, des bois, des kiosques, des grilles de parcs, etc. etc. Jean-Michel Legnaud, on en voit encore la trace beaucoup dans Paris aujourd'hui ? Bien sûr, et d'ailleurs, il y a derrière tout ça, il faut la pensée d'Haussmann. C'est la première fois que quelqu'un se préoccupe de construire des espaces, d'imaginer, de tracer des espaces verts pour la capitale. Et bien entendu, sa source d'inspiration, c'est Londres. De la même manière que Londres sera très présent dans l'intérieur même du théâtre du Châtelet, à l'extérieur, et pour ses aménagements paysagers, c'est encore Londres via Haussmann lui-même. Et le romantisme anglais dans les parcs, par exemple des buts de Chaumont. Voilà, l'idée, c'est d'imaginer un espace paysager qui ne soit pas tracé au cordeau avec des buis au ras du sol et une chaleur épouvantable et le soleil qui vient vous accabler la nuque. C'est au contraire d'imaginer de grands arbres à l'abri desquels on puisse circuler selon un parcours original, qui est une pérégrination en quelque sorte. Mais pourtant, on aurait pu s'attendre de la part d'Haussmann à se placer dans la tradition de Le Nôtre et à faire des jardins précisément en perspective. Or, ce n'est pas ça du tout qu'il demande finalement à Daviou de faire. Ce n'est pas ça du tout qu'il a fait, ni à Boulogne, ni au but de Chaumont. Il a au contraire imaginé quelque chose de radicalement différent de sa trame hypodamique de son urbanisme. Vous savez pourquoi ? Vous avez une hypothèse ? Je pense qu'il a été conquis parce que ce qu'il a vu, il l'a vu à Londres. Angleterre. Peut-être est-il entré en détestation aussi, c'était pas non sans raison, de les aménagements paysagers à la manière de Versailles. Alors parlons justement de Viollet-le-Duc. Est-ce que Daviou, lui, a été influencé, et si oui, de quelle manière, par Viollet-le-Duc ? Alors Viollet-le-Duc est présent de deux façons. Viollet-le-Duc, d'abord, déteste Charles Garnier. D'abord parce qu'il a fait, il a été le patron de Garnier à un moment donné, quand Garnier était jeune. Ils ne se sont pas entendus. Et ensuite, parce que le projet, au moment du concours de l'opéra, le projet de Garnier l'a emporté sur le projet de Viollet-le-Duc. Bon. Donc, Viollet-le-Duc va considérer que Garnier est un architecte non rationnel. Non rationnel, par exemple, le grand escalier est inutile. Trop grand. Trop grand, ça sert à rien. Viollet-le-Duc avait imaginé autre chose. Alors, du coup, Viollet-le-Duc va trouver en Daviou celui-là même qui correspond exactement à sa pensée. Une rationalité, pas trop de luxe. À quoi s'ajoute le fait qu'ils ont le même entrepreneur, Bellu, hein, qui travaille beaucoup avec Viollet-le-Duc. Et Viollet-le-Duc va soutenir Mordicus Daviou par dans les journaux qu'il anime, dont il a la rédaction. Et plus tard encore, en 1878, Viollet-le-Duc est chargé d'animer la commission pour choisir le palais du Trocadéro. Qui sera donc construit par Daviou. Qui est construit par Daviou. Et Viollet-le-Duc est derrière, est extrêmement présent. Il soutient Daviou. Alors pourquoi a-t-il perdu le concours de l'Opéra de Paris au profit de Garnier, qui était quand même, si ce n'est un inconnu, en tout cas quelqu'un dont la carrière végétait plus tôt? Est-ce que le projet de Garnier se détachait vraiment beaucoup des autres? Alors d'abord, c'est Viollet-le-Duc qui a incité à la mise en place d'un concours. Il s'était imaginé que, à la faveur d'un concours où il y aurait eu très peu de concurrents, il aurait pu l'emporter et être choisi pour construire l'opéra. Il rêvait de construire un bâtiment public de ce genre et il détestait qu'on le limite aux constructions et aux restaurations d'églises. Seulement, un nombre de concurrents considérable s'est présenté. Et le jury n'a pas sans doute pu trouver le fil blanc qui aurait conduit jusqu'à Viollet-le-Duc, a écarté Viollet-le-Duc du premier coup. De surcroît, ce jury était composé en grande partie d'architectes qui n'étaient pas du tout formés à la manière de Viollet-le-Duc. Ils sortaient de l'école des Beaux-Arts, ils étaient issus de l'administration des bâtiments civils, ils étaient membres, pour beaucoup certains, de l'Académie des Beaux-Arts. Tout ce que n'était pas Viollet-le-Duc qui était autodidacte. Et beaucoup de ces architectes considéraient que Viollet-le-Duc n'était pas un vrai architecte. Et très probablement, ils ont immédiatement trouvé dans les plans de Viollet-le-Duc les critères qui permettaient de déceler le vilain petit canard et de l'écarter. Et en même temps, les plans de Garnier sont très originaux pour l'époque. Alors, Garnier, lui, il a suivi tout le parcours des Beaux-Arts, avec Briand, comme je vous le disais tout à l'heure. Il a fait un magnifique projet Grand Prix de Rome. Il a été sélectionné pour le second tour. Il n'était pas en tête au moment du second tour. Et là, il s'est passé quelque chose de mystérieux qu'on ne sait pas. Enfin, les jurys gardent leur secret. Il était classé dernier de la shortlist pour le second tour. Il s'est retrouvé premier à l'issue du concours. Et encore aujourd'hui, c'est donc un mystère. Sur le plan esthétique, l'opulence du décor a caché le côté extraordinairement rationnel et même fonctionnaliste de Garnier. C'est le premier bâtiment fonctionnaliste, 15 ans, 20 ans avant Sullivan, et avant les fonctionnalistes ne disent que la forme doit répondre à la fonction. C'est drôle parce que ça a été ressenti du temps de Garnier. Vous avez un architecte italien important qui a critiqué sur le projet en 62 quand il a vu les projets de Garnier. Il avait écrit un article virulent dans la presse italienne en disant que c'était un amas de formes juxtaposées. Alors que jusqu'à présent, quand on construisait un théâtre, on unifiait tout. Songez à la Comédie Française, par exemple, qui est le prototype même du théâtre 18e admirable, construit par Victor Louis, un merveilleux architecte qui a été une des sources de Garnier. Oui, absolument. C'est une des sources, une des grandes références de Garnier. Donc, architecte néoclassique, s'il en est. Hein. Quand vous regardez de l'extérieur la Comédie française, si vous ne savez pas que c'est un théâtre, vous pensez que c'est un grand magasin ou je sais pas, ou un bâtiment de bureau. Vous ne devinez pas nécessairement la fonction de la Comédie française si vous n'êtes pas prévenu. Alors que, ou songez à l'Odéon qui est entièrement unifié sous un temple, toit, hein, c'est un temple, bon. Alors que lui, quand c'est une galerie, il construit une galerie. Quand c'est une salle, il construit une salle avec un dôme qui affirme la salle. Quand c'est une cage de scène, c'est-à-dire en réalité un bâtiment technique, il construit un bâtiment technique avec la forme, la hauteur qu'il faut. Et puis quand c'est des bureaux tout à fait derrière, il construit un immeuble de bureaux. Alors il juxtapose tout ça, il n'a pas cherché à unifier tout ça sous un toit gigantesque. Et donc à l'époque, là, notamment je pense à cet architecte italien qui ensuite, paradoxalement, a construit l'Opéra de Palerme en s'inspirant de Garnier, mais 20 ans plus tard. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une archive de Gérard Fontaine qui connaissait très bien à la fois l'art lyrique et l'architecture du 19e siècle. Jean-Michel Legnaud, vous parlez de la victoire de Garnier par la simplicité de sa pensée. Est-ce un petit peu ce que disait en l'occurrence Gérard Fontaine quand il dit que l'opéra Garnier c'est déjà la forme égale la fonction? Il y a de la simplicité là-dedans? Oui, moi je récuse un peu cet adjectif fonctionnaliste qui, à mon sens, ne veut pas dire grand-chose. Il ne peut pas y avoir de théâtre qui ne réponde à sa fonction, sinon ça ne marche pas. Tous les théâtres répondent à leur fonction. La fonction se voit depuis l'extérieur, en l'occurrence avec l'Opéra de Paris. D'habitude, quand on construisait un théâtre, on insérait les fonctions dans une forme euclidienne, un cube, une sphère. Ce qu'aurait préféré Haussmann, probablement, d'ailleurs. Peut-être. Oui, c'est ce qu'il a fait effectivement au théâtre du Châtelet en souhaitant que le modèle fut l'opéra de Bordeaux, qui était justement une forme parallélépipédique. Alors, ce que Garnier a fait, dans l'œuvre de Garnier, il y a trois choses, je pense, qu'il faut bien distinguer. La façade. Bon, la façade, c'est une composition, très beaux-arts, je vous dis, sur le type de la basilique de Vicence. Et puis, il y a les élévations latérales qui ont été reconnues a posteriori comme un chef-d'œuvre de rationalité constructive. Par ceux-là, des amis de Garnier, qui voulaient absolument l'insérer dans la généalogie du progrès en architecture. Mais il est certain que quand on regarde ces élévations latérales, on distingue très clairement chacune des fonctions auxquelles il a donné des formes différentes. Il y a d'abord toute la partie antérieure pour l'accueil. Il y a la salle couverte de cette idée géniale qui est la couronne impériale. Et puis, ensuite, il y a le magasin des décors qui est bâti comme un temple grec. Bon. Et ces différentes juxtapositions sont unies des deux côtés par une rotonde qui est un moyen d'architecture qu'utilise très volontiers Garnier. Une rotonde qui sert de point nodal, et du côté ouest, la rotonde était ce qui devait permettre l'accès direct à l'empereur, c'est-à-dire ce qui allait garantir la sécurité du souverain, parce qu'il pouvait rentrer directement en voiture. Pouvait rentrer directement, alors que justement ça faisait partie du cahier des charges, puisque l'opéra de la rue Le Pelletier avait été condamné à cause de l'attentat fomenté par Orsini, où Eugénie et Napoléon III avaient failli y laisser leur peau. Alors qu'il y a eu énormément de blessés et de morts. Donc vous récusez un petit peu l'aspect très moderne, très en avance de cette architecture-là. Si, c'est une architecture qui est extrêmement en avance, mais je ne pense pas qu'on puisse d'abord considérer que le fin du fin de l'architecture, ça soit la formule de Sullivan. Je pense que là, Garnier a trouvé autre chose. Mais le troisième point de l'architecture de Garnier, c'est qu'il a parfaitement su insérer les lots d'ingénierie. Là, il a été extraordinaire. Et ce qui a permis à cet opéra de fonctionner jusqu'à aujourd'hui pratiquement. Alors les lots d'ingénierie, qu'est-ce que c'est? C'est le chauffage, c'est l'électricité de la salle, c'est le système des cabestans pour descendre les décors, c'est l'insonorisation et c'est aussi la régulation des températures de façon à garantir une acoustique extrêmement stable. Mmh. Et ça, il a beaucoup travaillé sur ces questions. J'ai été amené à réfléchir à ce décor permanent. C'est un opéra permanent, en réalité, je veux dire, un ouvrage d'opéra permanent, le Palais Garnier. Et il a été conçu comme ça par Garnier. Il a été prémédité, vraiment, dans tous ses détails, comme une soirée de première de gala permanente. Voilà, c'est... Alors donc, vous passez naturellement du décor périssable, enfin temporaire sur scène, au décor de la salle. Et songez, par exemple, que pendant des mois et des mois, les spectateurs ont loué, à partir du 5 janvier 1875, qui était la date inaugurale, pendant des mois, les spectateurs ont loué des places sans savoir ce qu'ils auraient sur la scène, sans savoir ni le spectacle, encore moins la distribution. Ils louaient à l'aveugle pour venir au bâtiment, voir le bâtiment, enfin voir le spectacle permanent du bâtiment. Alors cet opéra est un décor pour les Parisiens, un théâtre de la vie parisienne où ce qui se passe arrive autant dans la salle que dès l'approche du bâtiment. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose de tout Paris? Est-ce que le Paris haussmannien n'est pas un décor pour les Parisiens? C'est un décor pour les Parisiens, mais un décor pour le monde. L'objectif impérial, c'est de faire de Paris la capitale du monde, ce qu'elle n'était pas. Quand Napoléon III est arrivé, Louis-Philippe avait fait quelques efforts en ce sens, mais il avait achevé un nombre important de chantiers qui avaient été commencés du temps de Napoléon Ier. Mais à l'échelle du monde, Paris n'était pas ce qu'on aurait pu imaginer. Donc c'était Londres la capitale du monde à l'époque ? Il y avait Londres, il y avait Vienne aussi, il restait encore Rome, qui était sous différents aspects. Et... par ces nombreuses constructions, par ces achèvements, par la combinaison de toutes ces décisions qui ont été prises en même temps, qui se sont terminées presque en même temps, Paris, en 1870, était bel et bien la capitale du monde, jusqu'à intervenir les incendies de la Commune. Oui, vous insistez beaucoup sur la simultanéité des décisions, parce que c'est vraiment un jeu de domino, en fait, qu'on ne peut pas bouger un coin de Paris sans que tout commence à bouger autour. Paris est un chantier permanent, en déséquilibre permanent, c'est ce que dit Baudelaire dans son fameux poème. Mais finalement, lorsque Haussmann, en 1870, est prié de partir, l'essentiel est fait. Et alors, fonctionne. Il y a beaucoup d'autres monuments, d'ailleurs pas que à Paris, hein, mais qui sont des œuvres du Second Empire. On peut en citer quelques-uns. Il y a le Palais Longchamp de Marseille, par exemple. Il y a aussi alors le Trocadéro, hein, qui se trouve à Paris, qui est donc la dernière œuvre de Gabriel Daviau. Mais c'est vraiment l'opéra qui reste, parce que c'est une œuvre d'art totale. Alors vous trouvez que cette expression est peut-être un petit peu galvaudée, mais il y a quand même de ça avec l'opéra de Paris. Non, je pense que l'expression va très bien. Alors cette expression œuvre d'art totale, que l'on attribue toujours à Richard Wagner, est en fait une expression inventée par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Et il parle de la cathédrale comme œuvre d'art totale, c'est-à-dire une œuvre dont le décor est pensé et dirigé par le maître d'œuvre, par l'architecte. Il y a une inféodation des arts décoratifs au dessin général qui est fourni par l'architecte. Et le 19e siècle n'a eu de cesse d'inventer des cathédrales laïques. Ouais. Il y a la grande bibliothèque, il y a l'opéra. Et Garnier a conçu effectivement son œuvre comme une cathédrale. C'est la pensée d'ailleurs de César Daly, cet architecte fourriériste, qui est que il faut construire des grandes salles pour le peuple. L'opéra, c'est une grande salle. Et autour de cette grande salle, on a tout le décor qui va dans ce sens. Vous pensez que ça a modifié aussi la perception que les Parisiens avaient d'eux-mêmes de vivre dans ce décor grandiose? Je pense, moi, souvent, je me dis que les Parisiens ont eu bon dos, parce qu'ils étaient quand même dans un chantier permanent. il devait y avoir la poussière partout, en permanence, des chaussées trouées. L'avenue de l'Opéra, elle s'est terminée assez tard dans le siècle, avec des modifications de largeur, de percement. Et donc, je pense que les Parisiens, en plus il y avait les chantiers des expositions universelles, hein, 1855, 1867, mais ils étaient, je pense que ce mouvement dont on n'a pas idée, les impressionnait et ils en étaient admiratifs. Dans le passé, en Égypte, en Grèce, en Italie, en France, on aimait la couleur. Quel est donc le méchant démon qui est venu tout à coup glacer les yeux des Occidentaux, en glaçant aussi un peu, il faut le dire, et leur cœur et leurs aspirations. Cependant, cette singulière maladie, qu'on pourrait appeler chromatophobie, ne se déclare que pour les façades des édifices. Chez soi, chacun s'entoure de tentures ou de tapis colorés. Les meubles sont de tons souvent violents. On aime les fleurs, les tableaux. On aime la couleur du vin. Et les poètes chantent le jus vermeil, ainsi que les yeux bleus, les lèvres rouges et les cheveux d'ébène. Tout enfin autour de nous vit par sa couleur autant que par sa forme. Et cette expansion de l'art s'arrête subitement devant le seuil des maisons et des palais, c'est-à-dire devant tout ce qui constitue une ville. Les longues suites de moellons gris et de pierres blanches rangées à la queue leu-leu vous refroidissent immédiatement. Et pour un peu, le joyeux polichinelle se transformerait en croque-mort. Mais chose étrange, ces Parisiens, ces Français qui frémissent quand ils voient dans leur pays un petit coin de palais orné d'un marbre, admirent dès qu'ils sont en Italie les monuments les plus bariolés, Sainte-Marie des Fleurs, le campanile du Giotto ou Saint-Marc de Venise, les transportent d'admiration, et ils n'ont plus assez de mots pour exprimer leur enthousiasme. Quelle est la cause de ce phénomène? Il y en a deux, je crois. C'est que d'abord les monuments sont déjà vieux, et que tout ce qui est vieux en art est de droit magnifique. Puis ensuite, c'est que les villes d'Italie sont plus colorées que Paris, que les rues sont moins droites, que grâce à Dieu, le pittoresque y réside encore, et que les marbres et les mosaïques semblent faire partie intégrante de l'ensemble. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Michel Legnaud, de cette lecture qu'on vient d'entendre par Jean Gilibert d'un extrait de texte de Garnier qui répondait aux critiques qu'on lui faisait sur les marbres colorés de la façade de son opéra? Je pense que Garnier touche du doigt des questions très importantes. Paris, en tant que capitale, ne s'est jamais considérée autrement que par la linéarité et par l'achromatisme blanc. Jamais, c'est-à-dire bah, dans l'histoire. Toujours. On n'a pas de monument coloré. Dans Paris, on n'en a jamais eu. On a eu quelques expériences. Une en 1851, c'est le cirque d'hiver qui a été construit par Itorf, cet architecte d'origine allemande qui avait participé à l'invention de cette idée que les temples grecs étaient colorés, bariolés à l'intérieur comme à l'extérieur. Et il a eu l'idée de faire un nouveau temple grec en plein Paris, le cirque d'hiver. Bon. Mais en dehors de ce monument coloré, et en dehors de quelques expériences de l'époque de l'Art Nouveau, Paris s'est voué au blanc, c'est-à-dire au gris, et à la linéarité des façades, la linéarité des élévations et également des balcons. Ça a duré jusque à la fin des années 1880, quand on a changé les règles concernant les prospects, qu'on a permis la possibilité d'avoir des beaux windows qui ont stimuler la création de l'Art Nouveau. Mais dans les périodes qui précèdent, sous le Second Empire, non, effectivement, ce que dit Garnier est exact, mais c'était voulu ainsi. Est-ce que ça dit quelque chose de la mentalité française en esthétique, qui est une certaine idée du chic, mais le chic ne va pas très loin dans l'excentricité en général? Je pense en effet que l'idéal optique, l'idéal visuel pour le Parisien du XIXe siècle, et sans doute encore aujourd'hui, c'était le camailleux gris. Un certain système de proportion entre les ouvertures et les pleins sur les façades qui détermine une certaine modinature aussi, et tout ça conduisant à un certain gris, jamais du noir, jamais du vrai blanc, quelque chose d'intermédiaire, c'était le chic. Et vous-même, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de cette propension française à éviter la couleur ? Je pense que pour Paris, ça correspond tout à fait bien. J'imaginerais mal le boulevard Saint-Michel avec un immeuble comme on aurait à Annecy, par exemple, ou à Lyon, une façade vert pistache, et puis une autre ocre pompéien, et puis une troisième jaune citron. Ça me paraîtrait pas adapté à la ville. Parce que le système de la ville est considéré est conçu sur la base de très très grandes avenues qui doivent impliquer une très grande unité. Oui, parce que finalement, ce qu'on doit voir, encore une fois, ça n'est pas l'unicité de chaque bâtiment en lui-même. Ce qu'on voit quand on regarde Paris, c'est la ville de Paris. C'est l'ensemble. Mmh. Ça doit se gérer comme un ensemble. Alors, il faut évoquer aussi d'autres réalisations de Garnier, parce qu'on a tendance à ne parler que de l'opéra pour lui, mais enfin, il y a eu d'autres choses, notamment il y a eu un autre opéra, alors c'est peut-être pas un opéra, c'est peut-être simplement une salle de concert à Monte-Carlo, Jean-Michel Legnaud. Oui, alors il a effectivement, une fois qu'il a eu terminé... D'ailleurs, pour Garnier, c'était un drame, quand il a terminé l'opéra, il avait une énorme agence, il fallait absolument qu'il trouve... C'est comme les grands architectes d'aujourd'hui, il fallait absolument qu'il trouve des commandes. Il a eu la chance d'avoir une commande de la Société des Bains de Mer de Monte-Carlo pour la construction d'une nouvelle salle de concert. Pas un opéra, hein, mm-hmm. une salle de concert. Et il a construit cet extraordinaire bâtiment correspondant à ses vues, parce que justement, là pour le coup, il donne en plein pittoresque. C'est de grands campaniles, très, très baroquisants. S'inspire du contexte de l'architecture locale. Est-ce qu'il y a du kitsch chez Garnier ? Oh, je n'appellerais pas ça comme ça. Pour moi, le kitsch, ce n'est pas ça. Pour moi, le kitsch, c'est... Moi, j'utilise plutôt la définition de Clément Greenberg qui dit que le kitsch, c'est l'utilisation industrielle de canons esthétiques préalablement définis. Si vous voulez dire que le kitsch est du mauvais goût, Non, mais du pittoresque, disons sans retenue. Il y a du pittoresque. C'est baroque. Vous prenez le théâtre de Monte-Carlo, c'est essentiellement baroque. C'est le moment où un des grands historiens d'art, philosophe allemand, Heinrich Wölfflin, définit l'idée de baroque. Comment distinguer la Renaissance et le baroque? Et il dit, par exemple, dans le baroque, les statues, les sculptures, les bustes sortent de leur niche. Elles sont en plein mouvement. Et c'est ce qu'on a au théâtre de Monte-Carlo. Les façades sont pleines de mouvements. On a déjà cela aussi au foyer de l'opéra. On a des personnages peints qui enjambent de fausses corniches. C'est une pensée maniériste issue de Michel-Ange qui conduit au baroque. C'est là où on se rend compte, en vous écoutant Jean-Michel Legnaud, que, et comparé à Daviou, Garnier est vraiment un artiste, et on pourrait même dire un plasticien. Garnier est un plasticien, et d'ailleurs, il ne laisse rien au hasard lorsque, par exemple, quand il construit l'observatoire d'astronomie de Nice, il y a une grande sculpture qui est à l'entrée du grand équinoxial. Et c'est lui qui l'a dessiné. Il n'a pas laissé la moindre liberté au sculpteur. C'est un Apollon Lucifer, c'est lui qui l'a dessiné. Je m'imagine le jour où les tons fauves de l'or viendront piqueter les monuments et les constructions de notre Paris. Je m'imagine les tons chauds et harmonieux qui frémiront sous le regard charmé. On aura renoncé alors à ces grandes voies rectilignes, belles sans doute, mais froides et guindées, comme l'étiquette d'une noble douairière. L'inflexible voirie aura sa période de réaction et, sans nuire à personne, le voisin pourra construire sa maison sans se raccorder avec celle du voisin. Les fonds des corniches reluiront de couleurs éternelles, les trumeaux seront enrichis de panneaux scintillants, et les frises dorées courront le long des édifices. Les monuments seront revêtus de marbre et d'émaux, et les mosaïques feront aimer à tous et le mouvement et la couleur. Ce ne sera plus le luxe faux et mesquin, ce sera l'opulence, ce sera la sincérité. Les yeux, familiarisés avec toutes ces merveilles de nuances et d'éclats, auront exigé que nos costumes se modifient et se colorent à leur tour. Et la ville entière aura comme un reflet harmonieux de soie et d'or. Mais, hélas, je jette les regards autour de moi, je vois le ciel gris et sombre, je vois des maisons remises à neuf, je vois des ombres toutes noires qui s'agitent dans les boulevards interminables. Je vois enfin Paris tel qu'il est, et de mon rêve d'artiste, je retombe dans la réalité bourgeoise. Garnier et cet extrait d'À travers les arts de 1869 lu par Pierre-Marie Baudouin. Alors il a une vision évidemment de Paris rêvée, fantasmée, qui ne se réalisera probablement jamais, ce pauvre Charles Garnier. Les Parisiens ont choisi, ils ont quand même choisi Haussmann finalement. Haussmann leur a été imposé, mais ils ont admiré Haussmann, ils ont choisi Haussmann. Il n'y a pas eu tellement d'inflexion. Par la suite, la seule chose qu'ont fait les Parisiens, c'est de dégrader Haussmann. Parce qu'en fait, si Haussmann n'est pas très apprécié aujourd'hui, c'est parce que certaines avenues haussmanniennes, par exemple le boulevard Sébastopol, sont des avenues qui se sont très progressivement, très rapidement paupérisées, qui ont perdu leur caractère monumental. C'est-à-dire, la pensée haussmannienne, elle ne peut fonctionner que s'il y a un contrôle de la voirie extrêmement fort pour que tout le monde fonctionne de la même manière. Et est-ce que ce contrôle de la voirie sur l'organisation des boutiques, l'organisation des panneaux, du mobilier urbain fonctionne? J'en doute. Alors d'autres réalisations importantes de Garnier, c'est par exemple le Cercle du Livre. On sait que c'était quelqu'un qui était assez proche d'ailleurs du milieu littéraire. Il a donc construit pour Hachette un siège social et puis donc un certain nombre de bâtiments pour des librairies. Est-ce que c'est important ça ou est-ce que c'est important parce que Garnier, du point de vue de la culture générale, est un autodidacte complet. Il était très doué, fils d'artisan, très modeste, très doué dans le domaine du dessin et bon, de la pensée plastique. Donc il a fait une carrière très rapide de ce côté-là. Mais ensuite, il a fallu qu'il rattrape un niveau de culture générale et même de culture spécialisée très rapidement qui lui ont permis de dialoguer avec de grands hellénistes lorsqu'il s'est agi de faire des relevés de temples grecs. Par sa femme, il était en contact avec le milieu des Normaliens. Ce qui lui a permis d'entrer en contact avec l'un des grands éditeurs du moment, qui était Louis Hachette. Et Louis Hachette lui a commandé plusieurs immeubles, dont... Le cercle de la librairie. Est-ce que ce sont des immeubles particulièrement intéressants? Ah, le cercle de la librairie est passionnant. C'est un immeuble très très intéressant. D'ailleurs, d'abord par ce plan, parce que il est construit au croisement de deux rues orthogonales. Il a placé l'entrée dans une rotonde à la confluence des deux rues, et il a organisé le déplacement intérieur de l'immeuble en oblique, ce qui est assez rare et même unique. Ça produit un effet particulier. On arrive sur un grand escalier qui est éclairé par une verrière. On passe de surprise en surprise. C'est la balade finalement de se promener dans un bâtiment de Garnier, et en particulier l'opéra sans doute. C'est une balade, exactement. Alors ce n'est pas une balade initiatique comme on l'imaginerait dans certains édifices néoclassiques, où il y a une sorte de mystagogue qui vous conduirait de lieu sacré en lieu sacré. C'est une flânerie, chez Garnier. Est-ce qu'il y a des turiféraires de Garnier? Est-ce qu'il a fait école? Est-ce que des architectes s'en sont réclamés après lui? Garnier déjà était le plus grand architecte de son temps. C'était le plus célèbre. C'était le plus photographié. Il avait d'ailleurs une tête assez photogénique. Une tête extraordinaire. Il a été, il avait une énorme agence. Il a formé des quantités d'élèves, et puis il est tombé dans le trou après la guerre de 14-18, au moment où la modernité agressive a voulu se manifester. Et on a, il y a toute une série d'architectures que l'on a vouées aux gémonies parce que elles dissimulaient par des façades de styles historicistes des chefs-d'œuvre de technologie. C'est le cas du Grand Palais, et c'est le cas de l'Opéra. Et c'est le cas de tout Paris, hein, finalement, parce que Paris est une ville moderne avec des immeubles modernes des Haussmann, mais en fait, on cache ça derrière des façades en pierre. C'est le cas de la Bibliothèque nationale aussi, évidemment. Il y a toute une série de grands immeubles qui datent de cette époque-là. C'est-à-dire que le progrès était tellement évident qu'il n'avait pas besoin de se manifester avec outrance. Oui, ou peut-être qu'il y avait chez Garnier et chez les Parisiens, de manière générale, une espèce de nostalgie du passé, une espèce d'amour du patrimoine, non ? Oui, ou en tout cas l'objectif d'une unité architecturale. Et ce projet d'unité va disparaître après la guerre, progressivement. Et on va vouloir changer les matériaux, changer les formes, changer la voirie et changer les techniques. Merci beaucoup Jean-Michel Legnaud, c'est une toute autre histoire que vous pourriez nous raconter à partir de cette dernière phrase que vous venez de prononcer. Je rappelle que vous êtes historien de l'art, de l'architecture et du patrimoine, auteur notamment de Le Châtelet, un théâtre pour Paris chez AAM Éditions, et d'une monographie de Charles Garnier aux éditions du Patrimoine. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Qui vous est proposé aujourd'hui par Alexis Broca du nouveau magazine littéraire. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Michel Legnaud. Vous venez nous parler du numéro de février du nouveau magazine littéraire. Voilà, je vais vous parler du numéro de février, de ce grand dossier que nous consacrons aux écrivains, américains de 1929 à 1939. Vous le savez, cette période s'étale du krach boursier de Wall Street et s'arrête à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale. Cette période, c'est la Grande Dépression sous l'effet de la spéculation outrance, la bourse s'effondre, entraînant les banques par le fond, et celle-ci entraîne elle-même toute l'Amérique derrière elle, et notamment les paysans de l'Amérique profonde dont Steinbeck raconte les errances dans Les raisins de la colère. Et en même temps, cette période d'apocalypse sociale qui ressemble un petit peu à la nôtre, c'était un âge d'or pour la littérature. Rendez-vous compte, Mathieu, au même moment, dans le même pays, des auteurs comme Steinbeck, Hemingway, Faulkner, Dos Passos ou Fitzgerald écrivaient, c'est-à-dire 3 futurs prix Nobel et 2 qui ne l'auraient pas volé. Et bien sûr, on leur rend hommage à travers de longs articles monographiques. Mais ces auteurs ont aussi plusieurs, ils ont forcément des questions qu'ils traitent, des questions en commun, et notamment Steinbeck et Hemingway qui ont en commun le fait de mettre en scène une certaine virilité. Ils mettent en scène des héros, presque toujours blancs d'ailleurs, qui sont arc-boutés contre les éléments et qui livrent souvent des combats qui sont perdus d'avance mais qui donnent sens à leur vie et qui donnent aussi noblesse à leur être. Et ces héros se retrouvent un petit peu caricaturalement dans la figure de Harry Morgan, le contrebandier du roman d'Hemingway En avoir ou pas, qui ne cesse de se référer à ses corones, en espagnol dans le texte, qui sont son véritable capital. Mais c'est toujours pareil avec les grands écrivains, hein. Vous tâchez de les attraper par une généralité et ils vous échappent par une nuance. En effet, il semble que la virilité qu'affichait Hemingway et qu'il prêtait à ses personnages était une virilité rêvée. Et de même chez Steinbeck, on trouve quelques personnages de femmes fortes, l'amant notamment, qui est la matriarche des raisins de la colère. Et même dans ses romans, comme Tortilla Flat, où il nous montre un univers uniquement masculin, comme Tortilla Flat, où je pense aussi au ranch où se déroulent des souris et des hommes, le féminin va se loger à l'intérieur des personnages. Et notamment dans Des souris et des hommes, dans le couple que forment Georges et Lénie, ces inséparables travailleurs itinérants, et dans leur façon de prendre soin loin l'un de l'autre. Alors y a-t-il beaucoup de femmes dans votre dossier sur l'Amérique? Il y en a, même s'il n'y en a pas sur la couverture. Il y en a parce que, en effet, lorsqu'on a préparé ce dossier, ce sont d'abord des noms d'écrivains hommes qui nous sont venus, tous ceux que je viens de citer. Et quand je suis allé chercher dans ma petite bibliothèque, qui est le miroir de mes goûts de lecteur, j'ai trouvé beaucoup de livres de la grande Edith Wharton, qui était alors au sommet de sa gloire. J'ai trouvé tous les recueils de Dorothy Parker, dont l'esprit enchantait le New York des arts et des lettres. Et évidemment, tous les romans de la prodigieuse Carson McCullers, qui a publié à 23 ans, Le cœur est un chasseur solitaire, c'était en 1939, et curieusement, aucune n'a eu le prix Nobel. Et donc, allant contre le sexisme de ma propre mémoire, j'ai rédigé un grand article pour donner à ces 3 femmes une place équivalente à celle des auteurs que je viens de citer. Et c'était doublement intéressant, d'abord parce que c'est sans surprise chez ces romancières que l'on trouve ce qui manque un petit peu au texte de leurs homologues masculins, c'est-à-dire des personnages féminins qui ne soient pas des projections des désirs masculins. Et puis, de manière assez étonnante, c'est aussi chez ces femmes, et chez Dorothy Parker et chez Carson McCullers en particulier, qu'on trouve une attention à la communauté afro-américaine en ces temps de grande dépression. Eh ben merci beaucoup Alexis. Merci Mathieu Broca. On vous retrouve très vite et aussi dans les pages du nouveau magazine littéraire. C'était la compagnie des œuvres, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cattaneo, Sylvain Latu, Florent Bujon. Demain, on continue de parler d'Haussmann, mais cette fois en nous demandant si son urbanisme pourrait être un modèle pour la ville du futur. Ce sera avec Umberto Napolitano.